Audiomatique. C'est avec le projet NTRSN que les sonoristes ont choisi d'amorcer la transmission 587 d'Audiomatic. De l'album Hard Lines, publié en 2011, nous écoutions la pièce Chromatic Move. Et maintenant, c'est au tour de la formation anglaise Will Lawton and the Alchemists d'assurer la continuité à Audiomatic. Thank you. soul. Devastatingly precious, a white feather in the wind. Child, I would die for. And I let her go. To chase her rainbow. nous avions droit à Audiomatic, à l'artiste japonaise Atis No Heat, de l'album Aura Reworks, paru en 2025 et qui regroupe des pièces de l'album Aura qui ont été reconstruites par différents artistes. Nous vous avons présenté la pièce Inori, reconstruite ici par William Basinski. Précédemment à Atis No Heat, nous avions droit à la formation anglaise Will Lawton and the Alchemists et sa chanson Daughter, extraite de son mini-album Alchemy, lancé en 2023. Allons-y maintenant avec une collaboration entre la formation Cluster et l'artiste Brian Eno. Thank you. À Audiomatic, cette séquence se concluait sur la musique de l'artiste péruvien Miguel Flores. La pièce, intitulée Pachacuti, a été composée en 1983 et se retrouve sur l'album Primitivo, sur lequel l'artiste s'amuse à déconstruire la musique folklorique de son pays. Avant Miguel Flores, c'était la pièce Steinsame, composée par, en collaboration par le groupe Cluster et l'artiste Brian Eno. La pièce se retrouve sur l'album intitulé tout simplement Cluster and Eno, qui est paru en 1977. Audiomatic se poursuit maintenant avec l'artiste américaine Phoebe Bridgers. Man, I hate this part of Texas. Close my eyes, fantasize. Three clicks and I'm home. When I get back, I'll lay around. Then I'll get up and lay back down. Romanticize a quiet life. There's no place like my room. But you had to go. Like a wave that crashed and melted on the shore. Not even the burnouts are out here anymore. And you had to go. I know, I know, I know. Out in the park we watched the sunset. Talking on a rusty swing set. After a while you went quiet. And I got mean. I'm always pushing you away from me. But you come back with gravity. And when I call, you come home. A bird in your teeth. So I gotta go. I know, I know, I know. When the sirens sound, you'll hide under the floor. Chase it. Floating. Audiomatic, c'était l'artiste allemand Daniel Brandt de son deuxième album Channels qui est paru en 2018. Nous avons diffusé la pièce titre. Tout juste avant, nous vous avons offert l'artiste américaine Phoebe Bridgers de son deuxième album Punisher lancé en 2020. Vous avez entendu la chanson I Know the End. C'est sur la musique du groupe The Arms of Someone New que se conclura cette transmission d'Audiomatic. La pièce que nous allons écouter, Broken Birds, est tirée de la version 2025 parue en format numérique de l'album Susan Sleepwalking. Il est à noter que la pièce Broken Birds est tirée des sessions d'enregistrement de cet album mais n'apparaît pas sur la version originale parue en 1985 ni sur la réédition CD. En 2000. Nous vous donnons bien sûr rendez-vous mercredi prochain dès 17h pour une autre transmission d'Audiomatic. Soyez attentifs au contenu que nous publions sur nos plateformes et sur facebook.com/audiomatic.cfou si jamais vous êtes intéressé à entendre ou même réentendre nos anciennes émissions en balado-diffusion. Alors voici pour terminer le groupe The Arms of Someone New et sa composition Broken Birds. C'était Audiomatic avec les Sonoristes. Thank you. say